comme je regardais Emmanuel Macron, à un moment donné, il a fait un discours puis il dit, je crois pas au modèle Amish. Je veux dire, il sait-tu de quoi il parle, là? C'est là le mépris, moi j'étais écœuré de ça, le mépris pour l'être humain. C'est un réel mépris, ça. Oh, il y a des dirigeants qui ont du mépris, c'est Ben sûr, par là, moi je rapport crois à... bien plus au modèle Amish qu'à son modèle à lui. Disons que c'est un modèle qui a fait ses preuves sur plusieurs, décennies, Ouais, même pas voire de mal. générations. Ouais. Tandis que lui, son affaire, ça durera pas longtemps. Ben, le Tu sais, je veux dire. transhumanisme qui est véhiculé par nos dirigeants, qui sont affiliés entre autres avec le Forum économique mondial, là, les young leaders, les jeunes dirigeants comme Emmanuel Macron. Ensuite, on a au Québec, là, c'est sûr, Justin Trudeau, puis il y en a un peu partout. Ben, tout ce... Et Ouais. ben pourquoi des young leaders? OK, parce que dans le fond... Ils ont été, de ce que je comprends, j'ai vu plusieurs lanceurs d'alerte qui parlent d'eux, ils ont été recrutés sciemment pour assister à des réunions du Forum économique mondial pour qu'ils soient formatés dans leur carrière politique pour que par la suite, ils véhiculent les idées là, à travers... C'est ça. Parce qu'en arrière des Young Leaders, il y a une gang de vieux Chris. Ben oui, il y a Klaus Schwab, entre autres... Ben. Il a passé 80 ans, si je ne m'abuse, là, tu sais. Ben, je sais pas quel âge qu'il a, là. Lui, je serais prêt à penser peut-être qu'il était là du temps de l'esclavage pour sortir alors dans ce qu'il habite. Mais il reste que, tu sais, je veux dire, c'est du marketing pour nous vendre un projet de civilisation. Donc, c'est des young leaders. Puis des jeunes, ben, c'est plus modelable, c'est plus facile à manipuler. Puis là, tu es réuni dans un amphithéâtre, puis tu leur dis, vous êtes l'élite. C'est vous qui allez porter le projet de la nouvelle humanité. Tu sais, des jeunes, là, qui ont un ego un petit peu, bon, ben, ils portent plus à terre, ce qu'on fait. Non, non, c'est Ils ça, vont ils croire sont tout ça. influençables, là. Ils vont se laisser Ben, imprégner de ça, puis ils vont tu aller sais, dans ce il sens-là avec fierté en disant c'est nous autres la relève. Puis on y a. fait ça pour le bien de l'humanité. Alors regarde Justin Trudeau et Emmanuel Macron, trouves-tu que ça a l'air du monde extrêmement brillant? Des gens avec une expérience solide puis un discernement extraordinaire? J'ai des sérieux doutes. Ben, moi, je trouve ça a l'air des tatas. Ils ont toutes l'air de ça. Tu sais, c'est comme une autre young leader, je pense, c'est celle qui est la présidente de, je sais plus si c'est de la Suède ou de la Finlande. Puis elle danse. Elle fait des danses lascives, ça s'est ramassé sur Internet, puis elle embrasse d'autres femmes, puis elle se montre les seins, puis après ça, elle pleure en s'excusant. C'est ça, nous, les young leaders. Mais en même temps, elle C'est. a le droit de s'amuser. Il faut bien diminuer la tension parce que ça peut être stressant sur le plan politique. Pourquoi anciennement c'était très important la dignité de la charge? C'est-à-dire que fallait que tu aies un respect pour ta propre fonction. Je veux dire. Oui, mais quelqu'un qui s'amuse puis qui danse, c'est pas nécessairement irrespectueux, là. Faut pas être Non, c'est un non. manque de discernement, tu mets pas ça sur Internet. Mais c'est peut-être pas elle qui l'a mis, mais Puis, des gens ben qui étaient présents franchement, au party même qui l'ont là, filmé. ben, je vais être bien franc avec toi, David, là, j'ai aucun respect pour du monde qui agisse de même. Parce que moi, ben franchement, tu sais, je suis pas un exemple, mais j'ai pas de fun de même, là. Mais au moins, je vais pas imposer que j'ai une politique, puis que Ben, je elle veux n'imposait respecter. pas ça, c'était un party privé. Non, je parle, Puis... elle s'impose en tant que leader, puis elle veut garder le pouvoir. Ben, Mais quelqu'un que. moi j'aime mieux quelqu'un qui s'amuse comme ça ouvertement que quelqu'un qui est Ah, oh, pédophile puis fuck qui est l'affaire. hypotriqué. Ben, c'est ça va aller vers ça. La culture du loisir, ça va aller vers ça. Pas nécessairement. C'est juste que tu aurais pu être hypocrite. Comment ça, pas nécessairement? Dans le sens que moi, je vois pas nécessairement là comme une forme de déchéance. Moi, j'ai plutôt crainte par rapport à des individus qui sont austères, refoulés, puis qui se présentent comme étant des Ben voyons. religieux ou des saints qui... Ben là, ben franchement, là, j'aime mieux les austères refoulés parce qu'une fois que t'es pogne, ils peuvent pas se défendre. Une fois que t'es prends défaut, ils peuvent pas se défendre. Ils sont obligés de démissionner. Tandis que quelqu'un qui dit, ben oui, mais moi, je suis comme tout le monde, puis j'aime ça m'amuser, lui, on est obligé de se pardonner puis de l'endurer encore. Mais encore Fait que faut-il là, qu'elle ait ça fait commis une des gaffes, puis des faute. gaffes, puis Pour des moi, gaffes, puis elle n'a des pas gaffes. commis nécessairement une faute. C'est quelqu'un Ben qui oui, s'amuse dans David. un party. Hey, si c'est arrivé ça, là, il y a 50 ans, là, elle, là, elle est finie, là. Elle est obligée de démissionner. Il y a un paquet d'affaires qui se passent en ce moment, que si c'est arrivé il y a juste 20 ans, le monde aurait été obligé de démissionner. Puis non, on est obligé de les